faire tomber dans les escaliers. J'ai souvent rêvé d'avoir une voix sensuelle, à développement sexuel, mise au point pour téléphoner. Mais j'ai pas la gueule de Marlène, j'ai rien de la petite sirène, j'ai pas une voix. J'ai plutôt l'œil droit qui bulle comme l'île au bout de la péninsule. J'ai la voix qui tombe à genoux dès que je lui demande tenir le coup. Mais je suis contente, contente, contente comme ça. On a la tronche qu'on a. J'ai souvent rêvé d'être une reine sur le Nil, dans le palais des mille et une. J'ai souvent rêvé que des empereurs fougueux battraient pour mes beaux yeux sous mon regard plein de sous-entendus. Mais j'ai pas le nez de Cléopâtre, j'ai même la narine qui s'épate. Et je suis pas Néfertiti, et y'a pas de roi dans ma vie. J'ai plutôt le moi qui plane et parfois qui bute contre un platane. Je ressemble plutôt à une sco perdue entre deux stations de métro. Mais je suis content, content, content comme ça. On a la tronche qu'on a. J'ai souvent rêvé de séduire en deux secondes les plus beaux types du monde sur un simple regard au bar. Robe du soir fendu noir, un gros diamant au doigt, je te plais, alors accroche-toi, va falloir que tu rates pour m'avoir. Mais je suis pas farafocette, j'ai même pas un fume-cigarette. Je crois pas que j'ai la gueule de l'emploi, et je le regrette quelquefois. J'ai plutôt le charme léger, comme des pompes sur un parquet ciré. J'ai un bout de jean sur des bottes, car les types je les chasse comme les coyotes. Mais je suis contente.